Merci Tiffaine, très bon après-midi à vous. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'histoire de la vie de Andy Warhol, né en 1928 à Pittsburgh en Pennsylvanie, est mort à New York à l'âge de 58 ans, et peut-être celle d'un homme qui a voulu éradiquer ses émotions, tant cet artiste qui n'était pas un sensuel pouvait donner l'impression de percevoir le monde comme s'il s'agissait d'un spectacle qui ne le concernait qu'à moitié. Cette vie, c'est aussi celle d'un homme à la timidité légendaire, timidité dont il s'est servi pour se construire une image, comme nous l'a raconté lundi sa biographe, Myriam Corrichi, en ouverture de notre semaine. Et puis mardi, Alain Cueff nous a expliqué comment appréhender l'art de Andy Warhol, cet art qui vient de plus loin qu'il n'y paraît et dont il faut chercher les racines jusque dans les icônes religieuses et dans la piété secrète d'un homme qui nous a fait croire que ses seules obsessions étaient l'argent, la célébrité et le glamour. Enfin hier, c'est Cécile Gilbert qui est venue nous parler de son Warhol en le mettant notamment en regard avec d'autres grands personnages, de Baudelaire à Karl Lagerfeld et Jean-Paul II. Et aujourd'hui, my name is Andy Warhol, and I just finished eating a hamburger. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme. Aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, juste après la chronique d'Éric Marty, nous serons en compagnie de l'historien de l'art Hervé Vanel. Il nous parlera notamment du roman de Warhol, A Novel. Et en première partie, nous sommes avec Didier Ottinger, directeur adjoint du Musée National d'Art Moderne au sein du Centre Pompidou, spécialiste d'art contemporain et notamment de Hopper, Bacon ou encore de David Hockney. Il a participé au catalogue de l'exposition Warhol en 2009 au Grand Palais avec un article sur le thème de ce qu'il appelle son communisme esthétique. Il va nous en parler. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres. Andy Warhol, what do you think made Coke what it is today? Andy Warhol, à votre avis, qu'est-ce qui a fait du Coca-Cola ce qu'il est aujourd'hui? Well, I think I made it because I drink so much of it, and I painted it, and I really love it, and I save every bottle, and the older the bottle, the better it is. And then the best thing about Coca-Cola is it costs the same amount of money if and the same and different people can be drinking it. Like really famous people can be drinking, like the president could be watching TV and drinking a Coke, and I could be watching TV and drink a Coke at the same time, or my mother could be watching TV and drink a Coke, or out at a party, and that's what's so great about Coke. Everybody can afford it, and everybody drinks. Andy Warhol, c'est moi qui l'a fait. J'en bois énormément. Je le peins. J'adore ça. Je gardais tous mes bouteilles. Les vieilles sont les plus belles. Ce que le Coca-Cola a de mieux, c'est qu'il coûte pas cher. Des tas de gens différents peuvent boire du Coca-Cola. Le président peut en boire en regardant la télé, et moi je peux faire autant, au même moment. Ou ma mère peut boire du Coca devant la télé. C'est ça qui rend le Coca si beau. Tout le monde peut en acheter et en boire. Working for the Yankee Dollar. Bonjour Didier Ottinger. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Est-ce que c'est cela, le communisme esthétique de Andy Warhol, le fait que tout le monde puisse boire du Coca-Cola? Alors, Précisément, il faut revenir au terme qui est employé par un des agents de la galerie Castelli pour qualifier l'œuvre de Andy Warhol. Il la qualifie de communisme. Ce qui est sans doute plus juste et qui permet de réinscrire cette œuvre de Warhol dans une longue tradition américaine. Que je ferai commencer avec une analyse qui est celle que porte Alexis de Tocqueville lorsqu'il réalise son ouvrage de la démocratie en Amérique et dans lequel il consacre un nombre de pages très important à l'analyse de ce que peut être l'art généré par une société authentiquement démocratique. Et il explique là, il le voit, il en est le témoin lorsqu'il voyage aux États-Unis, d'une réticence de la part des créateurs américains à l'endroit des formes qui sont les formes canoniques de l'art européen. Par exemple, il nous dit, pas de roman. Le roman se rattache à une certaine idée un peu du génie autonome, personnel, un peu narcissique. Non, le véritable écrivain américain, nous dit Tocqueville, est celui qui donne des nouvelles pour les grands quotidiens américains. De même que le peintre n'est pas celui que l'on connaît en Europe, mais l'illustrateur qui collabore lui aussi aux grands médias qui sont les médias populaires américains. Donc il y a cette première inscription historique, cette conscience d'un art du commun, tel qu'il est défini par Tocqueville, et qui va se cristalliser dans le premier mouvement véritable d'artistes américains en réaction à l'art académique au début du XXe siècle. Il s'agit de ce qu'on a appelé l'Ashcan School. Encore une fois, un terme donné péjorativement par des critiques qui reprochaient à ce qu'on a appelé aussi le groupe des huit de produire des œuvres qui s'inspiraient vraiment de la réalité quotidienne américaine. Évidemment, des sujets qui étaient choquants pour ce que déjà l'Académie avait développé aux États-Unis, mais en tout cas, qui était le fait, c'est symptomatique également, d'un certain nombre d'artistes qui étaient généralement des illustrateurs travaillant pour les grands médias de Philadelphie. Donc ça, c'est le vrai art américain d'avant l'invasion de l'art européen. Et puis soudain, cette lignée-là d'un art démocratique au sens de Tocqueville va être remise en cause par une exposition qui est restée dans tous les esprits, c'est celle de l'art Morichaud, l'invasion véritablement de l'art d'avant-garde européen aux États-Unis, qui va changer totalement les repères. Et finalement, Andy Warhol va revenir à un art qui serait donc, selon Tocqueville, selon la définition de Tocqueville à l'époque, c'est indéniable. Un vrai art américain. Voilà, il y a cette histoire, là aussi, qui ressemble un peu à la légende dorée de l'art moderne américain, 1913, l'art Morichaud, et qui va culminer avec l'école de New York, au milieu des années 40, et qui va donner l'expressionnisme abstrait avec Pollock, avec Newman, avec les grands artistes qu'on connaît, et toute la lignée qui va en découler. Et très vite va apparaître cette figure absolument hors norme, à l'époque évidemment, qui est celle d'Andy Warhol, qui lui fait l'apologie vraiment de cet art du commun, qu'il puise lui aussi dans la culture la plus populaire, celle du divertissement, les bandes dessinées on le sait, celle du consumérisme, on le sait aussi. En tout cas, voilà un retour à, j'allais dire, des fondamentaux américains. Donc pour être sûr de bien comprendre, finalement, Jackson Pollock, l'expressionnisme abstrait, l'action painting, ce serait finalement une espèce d'art européen, d'avant-garde européenne à la sauce américaine, enfin une histoire occidentale finalement, une inscription dans l'histoire occidentale de l'art, et on aurait oublié ce que serait l'art vraiment américain, et c'est Andy Warhol qui l'aurait retrouvé, recompris. Absolument, enfin il me semble, ce qui se dessine comme histoire moderniste aux États-Unis, essentiellement cristallisée autour de la création du Musée d'Art Moderne de New York en 1929, apparaît comme une sorte de bastion théorique, idéologique. C'est le fruit d'un certain nombre d'immenses collectionneurs, richissimes, qui constituent une sorte de club dont la vocation est de résister par tous les moyens à ce qu'est la pente naturelle de la culture américaine, c'est-à-dire la transformation, entre guillemets, du grand art en art jugé dégradé du côté de, précisément, l'illustration, précisément la bande dessinée, toutes les formes de culture populaire. Alors on va revenir sur le terme de communisme qui est induit un petit peu dans tous ces propos, mais qu'il va falloir expliciter parce que c'est quand même plutôt au capitalisme qu'on a tendance à associer Andy Warhol. Mais ce qu'on entend derrière vos propos, Didier Ottinger, c'est surtout la question de la démocratie. D'ailleurs c'est bien le titre de Tocqueville, du livre de Tocqueville, La démocratie en Amérique. Et donc toute la question que pose Andy Warhol et l'art entre guillemets authentiquement américain, c'est la question de la démocratie dans l'art. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, il y a un mouvement du même ordre. Alors évidemment, on peut le juger aujourd'hui avec le retour, qui est exactement celui qui s'opère, ça va en faire hurler un certain nombre, du côté de la Russie soviétique. Les premières manifestations théoriques d'un art qui se réclamerait authentiquement du communisme, pour le coup, sont formulées, y compris par Trotsky, qui ensuite viendra reconsidérera les choses lors de son exil mexicain, mais quand il est encore un bolchevique pur et dur, il s'en prend à l'arrogance individualiste des artistes d'avant-garde, qu'il juge être loin, très loin, d'abord des préoccupations du bon peuple, et d'autre part, ceux qui sont les complices objectifs de la grande bourgeoisie survivante. Donc entre le pop art de Warhol et le réalisme soviétique, sous Staline ou sous Lénine, il n'y a pas de différence ? Les intentions fondamentales sont du même ordre, en tout cas. Et en même temps, on peut se poser la question, est-ce que l'art de Andy Warhol est accessible facilement aux grandes masses? Parce que c'est pas évident de comprendre la démarche de Andy Warhol. On a essayé de le faire toute la semaine, mais enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup elle de concepts. Elle me semble extrêmement accessible. Il a toujours voulu qu'elle soit diffusée au plus grand nombre, d'où les logiques de fabrication qui s'apparentent à l'industrie. La factory, c'est pas un hasard si ça porte le nom d'une usine. Il vise aussi à répandre le plus largement et peut-être à rendre accessible. Ce que vous évoquez, c'est plutôt la lecture, la lecture de l'œuvre d'Andy Warhol avec les lunettes qui sont encore celles d'une forme d'avant-gardisme. Et c'est vrai qu'il peut être rapproché de certains mouvements minimalistes par la sensibilité, il peut être rapproché d'un certain nombre de formes dites d'avant-garde, mais son art est littéral. Il ne cesse de dire non. C'est là, il faut le voir tel qu'il est. Vous pensez que les expositions, les rétrospectives Andy Warhol sont visitées par un public qui est plus large et qui est un public qui est moins connaisseur de l'art que d'autres expositions ? Il semblerait, et c'est le propre, alors là aussi, sombrons pas dans la démagogie, mais c'est le propre de ce réalisme qui fait que celui, par exemple, de Hopper connaît aujourd'hui le succès qu'on connaît. Les expositions d'Andy Warhol sont effectivement des expositions très populaires parce que ces images ont été déclinées à l'infini. Elles existent dans toutes les formes, je veux dire, des cartes postales, des magazines. Enfin, c'est une œuvre qui est repérée, dont l'accès n'est pas forcément difficile. Oui, mais pas plus que Matisse, par exemple, ou moins que Matisse. Ça touche quand même un public qui peut se retrouver dans l'œuvre de Warhol en ignorant totalement l'histoire de l'art moderne. Donc c'est plus large, fondamentalement. En Europe, la royauté et l'aristocratie mangeaient beaucoup mieux que les paysans. Leur nourriture était totalement différente. C'était la perdrix sans les choux ou les choux sans la perdrix. Et chaque classe se cramponnait à sa nourriture. Mais quand la reine Elisabeth est venue et que le président Eisenhower lui a acheté un hot dog, je suis sûre qu'elle a compris l'essentiel. Elle n'aurait pas pu se faire apporter au palais de Buckingham un meilleur hot dog que celui qui lui a été acheté pour peut-être 20 cents au kiosque du parc. Car il n'y a pas de meilleur hot dog qu'un hot dog de kiosque dans un jardin public. On s'imagine parfois que les gens vraiment riches et célèbres qui mènent la grande vie ont quelque chose de plus, que leurs affaires doivent être plus belles que les vôtres parce qu'ils ont plus d'argent. Mais ils boivent les mêmes coca et mangent les mêmes hot dogs et portent les mêmes vêtements fabriqués par les ouvrières du même syndicat et voient les mêmes émissions de télé et les mêmes films. Vous pouvez vous révolter autant qu'eux, vous pouvez avoir les mêmes cauchemars, tout cela est vraiment américain. L'idée d'Amérique est formidable parce que plus une chose est égale et plus elle est américaine. Extrait de Ma philosophie de A à B, lu par Valérie Lang. Un extrait qui rappelle au passage une déclaration de Truman Capote qui disait que chez les riches, les petits pois étaient meilleurs qu'ailleurs. Mais pour les hot dogs, selon Warhol, les hot dogs ont le même goût, absolument le même goût chez les riches comme chez les pauvres. Sur cette question du communisme esthétique, est-ce qu'il ne faut pas rappeler quand même un contexte qui est celui de la guerre froide au moment où Andy Warhol fait ses productions ? Est-ce qu'il a ça en tête, selon vous, Didier Ottinger ? pas certain qu'il ait ça en tête, mais il faut se souvenir quand même que dans le contexte de cette fameuse guerre froide, il y a l'opposition de deux registres de valeurs assumés par les États-Unis. Est-ce que le gouvernement américain soutient, on le sait à travers des analyses qui ont été développées depuis par Serge Guibault en particulier, il y a un véritable soutien de la part de la politique officielle américaine en faveur des valeurs de l'avant-garde, de l'expressionnisme abstrait en particulier, qui apparaît comme la forme suprême de l'individualisme qui contredit précisément les valeurs qui sont celles du communisme. Donc, dans cet éclairage-là, le communisme de Warhol fait office de presque de complice de ce que sont les valeurs intrinsèques de la Russie soviétique, et en tout cas s'oppose radicalement à ce qui était devenu le discours idéologique dominant en matière de promotion artistique par les États-Unis. Est-ce que on a une idée de la réception dans le bloc de l'Est, s'il y en a eu une, peut-être pas du tout, de l'œuvre d'Andy Warhol? Est-ce que les dignitaires de l'URSS se trouvaient finalement, retrouvaient quelque chose? Ça, je ne suis pas certain. Il était quand même connoté, on l'a dit, de façon extrêmement américaine. Donc assez indigeste, sans doute, pour les éventuels collectionneurs soviétiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit un peu plus tard, issu du pop art en particulier, ça c'est un moment très très peu étudié, dans la mouvance du pop art, il y a effectivement une réhabilitation du réalisme qui va conduire un certain nombre d'artistes américains à aller encore un peu plus loin et à produire ce qu'on va appeler l'hyperréalisme ou le photoréalisme, qui est une sorte de pop au fond, directement issu du pop. Or, il se trouve qu'on trouve dans les pays du bloc de l'Est, un nombre considérable d'artistes qui pratiquent pratiquement le même hyperréalisme. Donc si c'est pas directement avec le pop que s'opère la synthèse, elle s'opère bizarrement, quelques années plus tard, autour de l'hyperréalisme. Alors, il y a un certain nombre de détracteurs qui disaient à l'époque, qu'ils le disent d'ailleurs peut-être encore aujourd'hui, que finalement on a perdu quelque chose avec cette démocratisation de l'art, cet hyper-réalisme. Est-ce qu'on n'a pas perdu justement toute la réflexion de génération d'artistes sur la mise à distance par rapport au réel? Que constitue la démarche artistique? Non, quand on creuse à nouveau, mais cette fois à la loupe, l'œuvre d'Andy Warhol, on voit qu'elle est dotée d'une sophistication qui en fait l'héritière quand même de tout un travail théorique qui est celui de l'art moderne. Donc il y a plusieurs niveaux en fait. Il y a évidemment plusieurs niveaux. Il suffit de le rattacher à Duchamp pour comprendre à quel point ça peut, si on le souhaite, devenir très complexe. Donc cette composante-là existe. Alors il faut parler un peu de politique, hein. On parle de capitalisme, on parle de communisme, et les peintres de l'avant-garde américaine étaient des peintres qui étaient sans doute assez politisés, probablement très engagés à gauche. C'est pas tellement le cas de Andy Warhol et de manière générale des tenants du pop art, Didier Ottinger. Alors la question, le terme autour duquel il faut réfléchir sans doute pour comprendre un peu mieux les enjeux que vous évoquez, c'est celle du réalisme. Or le réalisme apparaît dans un contexte qui se politise aux États-Unis comme étant une des formes possibles de la réaction. On se souvient des textes absolument, mais au vitriol, de la grande figure du formalisme moderne américain, Clement Greenberg, qui en 1939, hein, c'est symptomatique, publie un texte qui s'appelle « Avant-garde et kitsch », où il dénonce absolument à la fois le réalisme soviétique, oui. Il sait ce qu'est devenu le réalisme sous les auspices de Staline, il le dénonce explicitement, et au même moment, il dénonce les tendances réalistes américaines. Il s'en prend en particulier à Norman Rockwell, ce qui est intéressant. Donc pourquoi est-ce intéressant en particulier? Ben parce que Norman Rockwell est aussi un artiste, somme toute, assez proche de Warhol, si on veut. Enfin, quelqu'un qui travaille pour les magazines. On connaît surtout ses grands magazines. On redécouvre aujourd'hui ses peintures. C'est quelqu'un qui s'est toujours revendiqué d'une culture américaine jusqu'à la caricature. On a tous à l'esprit son grand tableau qui présente une famille regroupée autour de la dinde de Thanksgiving, par exemple. Ça, c'est vraiment l'Amérique dans sa pureté historique, dans son grand récit. Donc, pour ses critiques, Andy Warhol est politiquement réactionnaire. Bien, c'est quelque chose qui est surtout apparu. Alors, aux États-Unis, moins, puisque la question politique ou l'engagement politique des artistes n'a pas le même sens qu'en Europe. La question se pose véritablement lorsqu'apparaît en France un courant comparable ou issu du pop art américain ou de Andy Warhol, c'est la figuration narrative par exemple. Où là, on a effectivement des débats qui apparaissent de part et l'autre de l'Atlantique en disant mais au fond, Warhol, Rosenquist, Lichtenstein sont peut-être les suppôts du capitalisme. Alors que nous, peintres revendiquant les mêmes sources iconographiques, on inscrit dans nos propres tableaux, je pense à Rancillac, je pense à toute cette génération des, ou même à Aillot, qui était un peintre, bien que son iconographie soit pas militante, était habité par une pensée qui était une pensée radicale d'extrême gauche. Mais est-ce qu'on peut pas légitimement, et encore aujourd'hui, se poser cette question, Warhol n'est-il pas un suppôt du capitalisme ? Alors, dès l'instant où une œuvre connaît un grand succès commercial, elle peut être qualifiée de suppôt du capitalisme. Je ne suis pas sûr que non, ce soit l'iconographie qui... Non, c'est dans le sens où Warhol, dans la deuxième factory, a vraiment fait du business. C'est-à-dire qu'il faisait venir des stars qui payaient assez cher. Il a d'ailleurs fini sa vie très riche pour être portraituré par Warhol. C'est juste une question que je vous pose froide. C'est une question qui rejaillit encore aujourd'hui. Hein. Pensez aux débats et aux polémiques qu'entoure l'œuvre de Jeff Koons, qui est l'héritier direct de Warhol, pour le coup. C'est au nom, encore une fois, du succès et de la valeur commerciale de son œuvre qu'on se rappelle qu'il a été trader à Wall Street. Vous voyez, le soupçon reste celui-là, à l'endroit, effectivement, d'une iconographie qui se veut accessible au plus grand nombre et en même temps qui connaît un succès populaire et commercial réel. Donc cette question ne vous semble pas légitime artistiquement parlant ? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de se focaliser sur ce type de questions pour comprendre l'intérêt de l'œuvre de Warhol. Quel styliste préfères-tu, de Lagerfeld, Saint Laurent, Montana ? Quel genre de vêtements aimes-tu porter ? Les vêtements que je préfère porter sont ceux de Halston à New York. J'ai toujours porté du Halston. À Paris, je porte du YSL. Tu sais ce que c'est, YSL ? Oui, c'est Yves Saint Laurent. Pourquoi portes-tu du Saint Laurent ? J'en porte parce que j'aime ses initiales. La compagnie des heures sur France Culture et cette archive plutôt amusante. Didier Autinger, est-ce que vous inspire quelque chose? Ce qui m'apparaît tout de suite évident dans ce type d'archive, c'est la dimension caricaturale assumée par Warhol lorsqu'il s'exprime et qui évidemment vient rompre avec toute une mythologie du modernisme américain qui est celui qui s'est cristallisé autour des figures de Pollock et de ces artistes qui étaient des solides gaillards, des gars du Midwest, etc. Et là, on a quelqu'un qui en fait des tonnes dans le registre queer, par exemple. Queer, camp aussi, on pourrait utiliser ce mot-là. Absolument, absolument. Est-ce qu'il y a justement un rapport à la virilité dans l'œuvre de Andy Warhol, dans le sens où il s'agit justement de revendiquer une non-virilité ? Oui, et là il touche, évidemment il en est conscient, un des ressorts qui est un des ressorts fondamentaux de la... je veux dire de l'épistémologie moderniste, celle de l'artiste d'avant-garde qui souvent est un artiste évidemment héroïque, est un artiste viril. Ça c'est un peu américain aussi comme valeur. C'est pas qu'américain si on y réfléchit bien, mais en tout cas aux États-Unis ça s'est formé sous ces auspices-là. On raconte volontiers les récits des beuveries des artistes de la génération de l'expressionnisme abstrait dans le fameux Cedar Bar et Andy Warhol rappelle de façon très amusante ce qu'étaient les propos de ces artistes de Pollock et des autres, en disant « je vais te casser la gueule, je vais te piquer ta nana », etc. Enfin, ça l'amuse beaucoup, ce registre viril. Alors, il y a aussi la question de l'uniformisation que pose le pop art de manière générale, donc uniformisation esthétique, uniformisation des valeurs, quand Warhol peint de la même manière une bouteille de Coca-Cola ou alors une faucille et un marteau, c'est la mise sur le même plan de signes qui historiquement étaient tout à fait opposés. Cette question de l'uniformisation, Didier Ottinger, elle vous semble importante ? Pas tant que ça, parce que, si vous voulez, ce qui fait que Andy Warhol est quand même un des très grands artistes, un des artistes majeurs vraiment du XXe siècle, me semble-t-il, c'est par son style, c'est par son savoir-faire artistique. Et une image de Warhol a une puissance formelle, chromatique, que des dizaines d'émules de Warhol sont incapables de reproduire. Mais est-ce qu'il donc, c'est une uniformisation iconographique, certes, mais ça reste de l'art, je dirais. Et il y a quelque chose de très moderne dans cette uniformisation, parce qu'elle découle de la technique moderne, de la sérigraphie. On est quand même dans un monde qui va s'uniformisant, Encore une fois, elle vient en contradiction avec les valeurs de l'avant-garde qui se sont fétichisées au fil du temps. L'innovation, l'originalité, la main, tout ça sont des critères sur lesquels s'appuie toute théorie avant-gardiste de l'art. Or là, on n'a plus de main, apparemment, on n'a plus d'inspiration. Seulement. Oui, parce qu'il suffit de regarder encore une fois et on voit avec quel savoir-faire les images sont élaborées. Donc non, il y a apparemment pas de main, il y a apparemment pas d'inspiration. On prend ce qui vient. Bon, c'est pas vrai. Quand on regarde dans le détail l'iconographie de Warhol, c'est pas hasardeux le choix des images. Par contre, ce qu'il y a, c'est effectivement le processus qui s'apparente à celui de la production industrielle, celui des images qui sont reproduites dans les magazines, etc., celui des chaînes de fabrication des produits de masse. Alors là, ça fait évidemment penser à un artiste en particulier, c'est Marcel Duchamp, qui, avec son ready-made, ne faisait plus d'intervention avec la main de l'artiste, justement. Oui, là aussi, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que Duchamp, c'est sans doute plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ce qui est vrai... Enfin, à part signer l'urinoir, il n'y a pas l'intervention de la main de l'artiste, au moins pour cette œuvre-là. Non, mais il y a toujours, vous l'avez signalé, il y a toujours, effectivement, une dimension calligraphiée. Il y a toujours quelque chose qui est écrit. Mm-hmm. C'est pas simplement l'objet, comme on l'a trop souvent pensé. Mais c'est un autre débat. Toujours est-il que ce qui est important dans le parallèle entre Warhol et Duchamp, c'est qu'on assiste effectivement à la concomitance de la reconnaissance publique de ces deux figures. Bien que Duchamp vive à New York depuis 1915 au moins, son grand moment de redécouverte sera autour de la fin des années 50, milieu des années 50, si on veut, avec la première exposition chez Sidney Janis, la publication d'une monographie qui va attirer à lui tous les artistes qui sont les artistes précisément de cette génération pop, qui vont se reconnaître dans son dandysme, dans son jeu permanant avec le registre sexuel. Rose, c'est la vie. Voilà. Évidemment, ça va faire de Duchamp un personnage très intéressant pour Jones, pour Rauschenberg, pour Andy Warhol, etc. C'est quelqu'un qui affiche toujours ce détachement absolu, apparent, cette neutralité, qui vient effectivement cristalliser une sensibilité qui succède à l'époque chaude, presque incandescente, qui est celle des Pollock et de ses amis. Mais là, pour le coup, on est dans un art avec Duchamp qui est un art européen, qui n'est pas américain et qui est un art de l'avant-garde. Oui, enfin là aussi, souvenons-nous, pour comprendre le sens américain de l'œuvre de Marcel Duchamp, de ce que Apollinaire a dit de lui dans Les peintres cubistes. Il faut s'en souvenir, parce qu'il a vu juste Apollinaire. C'était Duchamp est sans doute celui qui, au XXe siècle, va être capable de réconcilier l'art et le peuple. Ça mérite d'être Trotsky. Médité. Trotsky aurait pu dire la même chose. Est-ce que finalement on n'est pas aujourd'hui avec Instagram, il faut parler un tout petit peu quand même de ces médias sociaux basés sur l'image, un héritage direct de Andy Warhol, en ce sens que finalement c'est davantage l'image que le tableau, hein, je caricature, qui va compter, davantage l'image que la démarche artistique. Enfin, je vous pose la question de manière très ouverte. C'est un peu trompeur parce que ça assimilerait Warhol à une sorte de vague immense d'images, celle qui nous envahit aujourd'hui. Et ça nous ferait oublier ce que sont précisément les images de Andy Warhol. C'est-à-dire des images, encore une fois, d'une qualité artistique réelle. Ce qui n'est hélas pas le cas de toutes les images qui tournent autour de nous aujourd'hui. Non, mais dans, par exemple, l'idée de faire un portrait filmé de 3 minutes de toutes les personnes qui passaient à la Factory, la fameuse phrase sur oui, le quart d'heure de célébrité, est-ce que... Il n'a pas été quand même dans un mouvement qui aujourd'hui crée un rapport à l'image qu'on connaît aujourd'hui. Il a en tout cas voulu lui surfer littéralement sur cette vague qui était la vague de la culture de masse qui se répandait aux États-Unis dans les années 50, ça c'est évident. Et aujourd'hui, on en trouve effectivement des manifestations dans ces formes-là. Warhol utiliserait aujourd'hui sans doute son téléphone portable. Ouais. Mais encore une fois, ce qu'il ferait avec, me semble-t-il, serait plus intéressant que beaucoup de choses que l'on peut voir. Une dernière question, vous avez prononcé le mot de kitsch. Est-ce que le mauvais goût en art, ça existe Alors, ça existait en tout cas, puisque j'ai évoqué ce terme à propos de l'article de Clement Greenberg de 1939, « Avant-garde et kitsch », deux registres pour lui totalement irréconciliables. Or, on se rend compte qu'il y a du kitsch parfois dans l'histoire de l'art et parfois chez des grands artistes. C'est encore une fois, le kitsch, c'est quelque chose qui est plus subtil et complexe que ce qu'on en dit. Enfin, lui semblait penser, en tout cas, que le mauvais goût... Ça lui faisait pas peur, ça c'est évident. Mais c'était aussi une posture, on l'a dit, de réaction face à une génération qui l'avait précédée et qui avait banni de façon extrêmement radicale, virulente, tout ce qui pouvait s'apparenter au kitsch. Un dernier mot pour terminer, Didier Ottinger, sur les fameux portraits de Mao par Warhol. Est-ce qu'on est là dans quelque chose d'encore un petit peu différent? On parlait du communisme, de la politique. Qu'est-ce qu'il signifie en reprenant ces portraits, en les refaisant à sa manière? En tout cas, moi, ce que j'y vois dans ces portraits, c'est beaucoup d'ironie, encore une fois, à l'endroit de l'image d'un leader... de quelqu'un qui incarne vraiment le pouvoir et que Warhol transforme, regardez dans le détail, véritablement en drag queen. Ouais. C'est-à-dire qu'il perçoit quelque chose qui est quelque chose de la féminité de Mao, ce qui indignait absolument les communistes maoïstes de l'époque, mais néanmoins, il y a quelque chose qu'il est là, capable de mettre en évidence. Et évidemment, ça provoque une sorte de petit hiatus dans la lecture de cette image qui est quand même l'image sans doute la plus diffusée et la plus reproduite au monde, le portrait de Mao. Et ben voilà, des pistes de réflexion intéressantes pour revisiter Mao. Merci beaucoup Didier Ottinger d'être venu nous parler de la démocratisation de l'art tel que pratiqué par Andy Warhol. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du Musée National d'Art Moderne hébergé par le Centre Pompidou et que vous avez contribué notamment au catalogue de l'exposition Le Grand Monde de Andy Warhol aux éditions de la RMN. Tout de suite, c'est la chronique du jeudi. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique du jeudi proposée aujourd'hui par Éric Marty, professeur de littérature à l'Université Paris Diderot. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une réaction peut-être d'abord à cette idée qu'on a développée avec Didier Ottinger de communisme esthétique. Moi, je ne suis pas complètement convaincu par cette idée, parce qu'il me semble que derrière le coma démocratique, qui serait la cellule de ce communisme esthétique, moi je vois le fétiche impersonnel dans l'œuvre de Warhol, c'est-à-dire au fond une dimension un peu perverse dans le rapport à la reproduction, d'où l'idée au fond, et je suis assez d'accord avec vous, dans l'idée que Warhol n'est pas complètement accessible. Mmh. Qu'il y a une forme d'inaccessibilité de Warhol qui est précisément liée à cette dimension du fétiche que je trouve très très belle chez Warhol parce qu'il la développe sur deux grandes dimensions, celle de la marchandise et celle du corps. Alors est-ce que vous pouvez nous définir le fétiche chez Andy Warhol? Alors il y a deux choses. D'abord il y a le fétiche au sens de Marx, la marchandise comme fétiche. Vous savez la grande thèse du Capital de Marx selon laquelle si le capitalisme fétichise la marchandise c'est pour dissimuler le travail qui est derrière, et donc la marchandise apparaît comme fantasmagorique, précisément pour dissimuler le travail. Comme magique presque. Comme magie. Mm-hmm. Or cela, effectivement, on pourrait dire que Warhol prolonge et je dirais accélère complètement ces dimensions-là, non pas par une forme de fantasmagorie encore romantique qui est celle de la marchandise à l'époque de Marx, on se rappelle les magasins, les objets qui sont très très esthétisés, mais par la série et par la reproduction. Mais néanmoins, il me semble que dans cette reproduction, dans cette série, par exemple les Coca ou les soupes Campbell, il y a encore de l'aura. Et de l'aura précisément parce que... Donc au sens de Benjamin. Au sens de Benjamin, alors que pour Benjamin, justement, il y aurait un déclin de l'aura s'il y a reproduction. Il me semble qu'on pourrait dire que Warhol renverse la chose en faisant justement de la reproduction une source d'aura par la dimension fascinatoire de la série. Donc vous êtes un fervent défenseur de l'art de Warhol ? Oui, tout à fait. Tout à fait, et surtout pour le second aspect du fétichisme, où là, c'est le corps. Et là, je verrais deux grandes œuvres de Warhol. D'abord, les Marilyn Monroe Lips, de 62, où Warhol reproduit les lèvres de Marilyn Monroe dans une photographie sérigraphiée. Et puis, évidemment, les Portraits in Drag, de 80, je crois, de Warhol, où il se photographie en drag. Mm-hmm. Pas en drag queen, mm-hmm. en drag. Ce qui est tout à fait c'est autre différent. Chose. Il ne tombe pas dans la vulgarité du drag queen américain que, par exemple, qu'on trouve chez dans la Divine de John Waters. Alors, on pourrait ergoter sur ce thème de c'est vulgarité. Très, oui. C'est très raffiné. Alors, il n'est pas dans le kitsch, justement. C'est ça qui m'intéresse chez dans les Portraits in Drag, c'est que ce n'est pas kitsch, au sens où, précisément, Divine de John Waters est typiquement kitsch. Alors, ce qui est très beau, c'est que, en fait, on pourrait dire que Warhol reproduit une chose très ancienne, qui est la présence, je dirais, du, entre guillemets, du sexe de l'artiste dissimulé et présent dans l'œuvre. On pense évidemment au Léonard de Vinci, à l'indice que fait Freud de Léonard de Vinci, qui voit le fameux vautour dans les plis de la robe de ces personnages et qui serait une présence comme phallique, ou en tout cas du désir, de la libido, qui est sacrifiée par l'artiste pour produire l'œuvre. Il me semble que les lèvres de Marilyn Monroe, ou précisément les autoportraits en drague, sont cette espèce de manière de, en effet, de projeter le corps même de Warhol dans ces éléments-là. Et le fait qu'il passe au fond des lèvres féminines de Marilyn, qui sont comme une figure sexuelle très, très évidente, à sa propre réincarnation en femme, mm-hmm. Joue, me semble-t-il, sur le même type et, en tout cas, fétichise en quelque sorte le corps, au sens où le fétiche, c'est enfin, une œuvre d'art qui serait, où le fétiche serait présent, c'est une œuvre où, au fond, les organes génitaux sont présents et cachés dans la mise en scène du corps. Est-ce que vous auriez une chose à rajouter ou à... La fétichisation chez Warhol me semble relever de la tautologie, puisque... C'est bien de le redire quand même. Oui, mais comme on le rappelait précédemment, la fétichisation est le processus de transformation des objets par le capitalisme qui substitue à leur valeur d'usage la valeur d'échange, c'est-à-dire leur dimension symbolique, fantasmagorique, etc. Or, l'œuvre d'art est un des exemples de cette fétichisation radicale. Voilà là un objet qui ne sert à rien et qui est pleinement dans le symbolique, qui est pleinement dans la fantasmagorie. Donc, voilà. Donc on est dans le sujet, voilà, au fond. Pareil. Merci beaucoup. Merci. Éric Marty, je rappelle que vous êtes donc professeur à l'Université Paris Diderot. À très bientôt. La Compagnie des œuvres, deuxième partie de notre dernier épisode consacré à Andy Warhol, avec à présent Hervé Vanel, professeur d'histoire de l'art à l'université AUP, l'American University of Paris, auteur de plusieurs textes sur Warhol, dont la philosophie de Andy Warhol de AAA, qui figure dans les actes du colloque Les écrits d'artistes depuis 1940 aux éditions de l'IMEC, et puis plus récemment d'un texte intitulé Mauvais genre dans le catalogue de l'expo Warhol Unlimited, qui avait eu lieu au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 2015 et dont il était le co-curateur. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Vous voyez continuer à faire exactement ce que vous faites maintenant, des portraits? Oui, j'espère que ça va continuer, j'espère vraiment. Pourquoi vous tirez plus de plaisir à faire 30 ou 40 photos plutôt qu'une seule? Comme ça, je peux écouter mon lecteur de musique, ce que j'ai là. Et écouter de l'opéra ou des choses comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir en peignant? Non, vous pouvez écouter de la très bonne musique. La peinture est une excuse alors pour écouter de la très bonne musique? Oui. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. Bonjour à Ray Van Halen. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette déclaration de Warhol quand il dit que peindre, finalement, ça sert surtout pour lui à écouter de la musique? Absolument. Oui, oui, je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Ça met un petit peu, effectivement, toute la valeur, enfin, toute l'importance qu'on attache à l'art, ça la relativise, mon choix, donc c'est pour ça que, faut le prendre au sérieux. Mais est-ce qu'il faut prendre au sérieux Andy Warhol? Est-ce qu'il se prenait lui-même au sérieux? Parce que vous commencez votre article en insistant sur le terme de really, vraiment. Ah oui, alors ça, c'était sur le roman de Warhol. Et qui est un objet un petit peu paradoxal. Enfin, le contexte était amusant parce que c'était un colloque sur les écrits d'artistes. Donc, de Warhol n'est pas vraiment proprement un écrit. En fait, c'est la transcription de bandes magnétiques. Et l'idée on appelle ça roman, donc enfin, on imagine une sorte de fiction. Et c'était d'enregistrer 24 heures de la vie de Ondine, qui était donc un des habitués de la factory, qu'on voit aussi dans Chance Cigars, un personnage assez exubérant. Et donc, que Warhol a enregistré avec un magnétophone portable dont il avait fait l'acquisition à l'époque, de manière comme ça un petit peu constante, quoi, permanente, en le pourchassant jusque dans les toilettes. Une journée entière? Alors, l'idée, effectivement, c'était 24 heures. Hein. Pour la réalisation, il a un peu triché, quoi. C'est-à-dire qu'il a réuni différents enregistrements. Mais effectivement, l'idée que le livre était la continuité des 24 heures, enfin, voilà, c'était le but. Donc, il n'a pas vraiment écrit de roman, hein. Absolument pas. Enfin, il a d'ailleurs, enfin, si on peut dire, rien écrit. Enfin, les livres de Warhol, Popisme, la philosophie de A à B et Back Again, sont aussi des livres qui résultent de la transcription de bandes magnétiques. Mais l'originalité avec A novel, donc A un roman, c'est que un petit peu comme tout ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il disait à propos de ses films. Il disait "We are trying to make it so bad, but doing it well." Donc, enfin, d'essayer de le faire vraiment quelque chose de très mauvais, mais avec soin, en fait. Ah, oui. Et c'est effectivement ce à quoi il s'est appliqué pour A novel. Donc, il avait toutes les bandes, et donc il y avait des étudiants, enfin, ou des stagiaires qui venaient à la factory, auxquels il demandait de transcrire ces bandes magnétiques. Alors, selon le stagiaire, le mode de transcription était un petit peu différent, la manière d'organiser la page était un petit peu différent. Il comprenait pas certaines choses, donc soit ils inventaient, soit ils laissaient des blancs. Enfin, donc et toutes ces particularités, en fait, et même toutes les erreurs typographiques, etc. Warhol voulait les garder, enfin, et les a gardées avec grand soin. Le livre est comme ça un objet extrêmement déroutant Déroutant et illisible, hein, vous employez vous-même le terme. Oui, mais enfin, je faisais un petit peu exprès de dire que c'était franchement illisible. Alors que c'est lisible. Oui, enfin, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, oui. Et quand même, il paraît, enfin, c'est vous encore qui le dites, mais c'est peut-être de façon un peu ironique, que c'est le seul roman qui n'a pas été lu par son auteur. Ah oui. Ah oui, je me souvenais plus que j'avais écrit ça. Mais oui, c'était peut-être une boutade. Mais non, je crois qu'il a dû le dire. Enfin, il doit y avoir une référence. Mais par contre, Undine disait qu'il l'avait lu au moins une quarantaine de fois. Oui, donc improbable. C'est tout aussi improbable. Ouais. C'est quand même un rapport à la technique, une fois encore. Parce que c'est à travers un magnétophone que Warhol écrit, enfin, on n'écrit pas ce roman. Mmh, mmh. Oui, bah, tout son rapport à la technique. Enfin, vous discutiez un petit peu plus tôt dans l'émission d'Instagram comme une sorte de postérité. Effectivement, je crois que c'est très juste que ce que disait Didier Ottinger. En fait, ce qui importe plus, c'est ce que Warhol faisait avec un mode d'expression donné, avec la peinture, donc en utilisant la sérigraphie, mais aussi, enfin un petit peu comme Eonafo, en intégrant les erreurs, les ratés, ou avec le film quand il garde les amorces de film qu'il apprécie ou qu'il met en valeur le grain du film, les rayures potentiellement, enfin tout ce dont l'usage commercial en fait d'une technique, que ce soit la sérigraphie ou le film, tout ce dont l'usage commercial de ces technologies a honte. Enfin, un film commercial, on ne peut pas voir ça, parce que ça. Sauf que le commerce, la publicité, a récupéré aussi les codes du pop art, par exemple. Oui, alors elle a récupéré les codes du pop art, mais lesquels je pense que, enfin, lesquels, comme ça, je ne sais pas. Enfin, vous avez peut-être une idée derrière la tête. Moi, j'en ai une. C'est qu'effectivement, il y a une publicité de France Culture basée sur des images de Liechtenstein. Ah oui. Oui, mais ça, je trouve, c'est un peu. Oui, il y a aussi Perrier qui fait une publicité qui ressemble à du Liechtenstein ou à du pop art. Mais ça, c'est oui, enfin, c'est un peu une sorte de clin d'œil. C'est de la référence, en fait. Voilà, c'est un clin d'œil ou une référence. Par contre, ce que je trouverais peut-être plus intéressant, c'est que bon, parmi l'espèce d'activité comme ça assez foisonnante, moi, enfin, qui m'intéressait chez Warhol aussi, hein, le fait que ce soit pas simplement des petits carrés, comme il disait. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Et c'est un film d'une minute, enfin, qui est perdu, qui était un film publicitaire pour en fait un dessert, une sorte de glace qui s'appelle un sundae, pour une chaîne de restaurants, et qui est passé à la télévision. Et alors on en a une image comme ça en couleur, et puis ce que Warhol en dit, et où il explique effectivement exactement comme ses films que en fait il utilisait le flou, le ralenti, les sautes de l'image vidéo, pour, enfin, et un gros plan comme ça très abstrait de cette sorte de crème glacée, et donc en fait il pertinemment pour un objet publicitaire, il approchait la technologie, enfin, ou la technique de la vidéo de manière extrêmement expérimentale. Donc, et ça, je pense, ça effectivement, enfin, c'est donc pour répondre à votre question, ça effectivement, je pense que c'est des choses que la publicité s'est appropriée, peut-être la manière d'avoir un rapport expérimental, enfin, ou enfin, je sais pas, c'est un petit peu comme, vous savez, comme maintenant dans la musique qui est produite de manière digitale, on incorpore les bruits des disques qui craquent et qui ouais, enfin, ça devient un objet musical. Bon, là, c'est pareil finalement aujourd'hui. Donc, il vous semble pas évident qu'on soit aujourd'hui dans notre rapport à l'image dans une société post-warholienne. C'est honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire vraiment, une société post-warholienne. Une société qui aurait appris, qui aurait regardé Warhol et qui aurait mélangé en permanence l'art et le commerce. D'ailleurs, on est dans une société quand même du design, où le design l'alliance de l'art et du commerce est très très présent. Oui. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir cette idée, ce hein. sens, mais non, mais je pense qu'il n'était pas le seul, hein, non plus. Enfin, je suis en train de travailler sur les pochettes de disques de Joseph Albers, donc bon. Enfin, il y a dans ces croisements et il n'y a pas que Warhol, oui. $10,000. Andy a collectionné toute sa vie. Il a collectionné tout, à savoir du sublime, du beau, de l'horrible, du kitsch, de l'inintéressant, du cassé, du laid, tout, tout, tout. Chaque fois qu'on déjeunait ensemble, il fallait qu'il enregistre toutes nos conversations. Il fallait en somme que rien ne se perde. Il fallait aussi, je crois, peut-être vivre deux fois ou trois fois, s'immortaliser. Même dans sa peinture pop art, à vrai dire, il a collectionné, en ce sens qu'il a fait des multiples. Ce n'était pas une bouteille de Coca-Cola, mais 300. Il a toujours aimé cette idée de la multiplication, de l'amassement. Tous les jours, il prenait une boîte en carton dans laquelle il mettait tout, à savoir sa chemise sale, du courrier pas ouvert, le reste du déjeuner, une fourchette en plastique, une étiquette, le journal du jour. Tout ça étiqueté, scellé et envoyé dans des garde-meubles pour faire en somme des espèces de capsules du temps. Je pense qu'il voyait dans l'objet quelque chose avec du pouvoir, le pouvoir magique des objets. Il portait par exemple des bijoux sur lui-même, des colliers de diamants, des cristaux. Superstar ultraviolet qui a rappelé le côté collectionneur de Warhol dont nous parlons dans la compagnie des œuvres avec vous. Hervé Vanel, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce côté collectionneur? Bah, c'est un côté intéressant, oui. Enfin, il parlait tout à l'heure, il y avait un extrait où il parlait des bouteilles de coca, hein, et il disait, enfin, ça a été traduit comme plus elles sont vieilles, plus elles sont belles. Mais en fait, c'était pas ça qu'il disait. Il disait plus elles sont vieilles, meilleur c'est. La traduction n'est pas de nous. Hein, non, je sais, hein, c'est pas grave. mais il y a une différence, hein, c'est parce que c'était pas la beauté de la bouteille de coca à laquelle il faisait référence. C'était effectivement le fait, un peu comme il disait, que des boîtes de Campbell's où il y avait, donc à l'époque, il y avait 32 boîtes de soupe parce qu'il y avait 32 goûts, 32 recettes. Il y avait y compris le goût de saveur, le goût tortue. Alors il y avait le goût simili tortue. Ah, simili tortue. Oui, c'est vraie recette. Il regrettait beaucoup qu'à un moment donné, ils n'aient plus fait le goût simili tortue. Alors c'est ça. Oui. Alors et il avait reçu. C'est très tout ça. Enfin, il était très très précis, hein, parce qu'il avait demandé à Campbell's de lui envoyer la liste de toutes les saveurs de soupe disponibles pour effectivement faire une série qui correspondait au nombre de saveurs et chaque peinture avec la saveur. Et il avait barré effectivement dans la liste simili tortue, je crois, entre autres, enfin, qui n'était plus disponible, qui avait été arrêté, enfin, la production a été arrêtée. Mais et donc effectivement, il expliquait à un journaliste à l'époque qu'on pourrait tout à fait collectionner les boîtes de simili tortue qui acquierraient une certaine valeur dans le temps. Mais en même temps, si vous voulez, quand il fait ça, quand il dit ça, c'est un peu comme beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il y a une fausse naïveté, peut-être, un petit peu. C'est effectivement une logique extrêmement institutionnelle de la collection, de la valeur qui dans le temps. Alors que au fond, je pense que par exemple, l'ultraviolette parlait des capsules temporelles. Le geste, c'est en fait de destiner effectivement à la postérité ce qui est destiné à la poubelle. C'est dans cette sorte de renversement. Il avait aussi l'idée que il pourrait vendre ses cartons. Au départ, il dit oui, je pourrais peut-être les vendre $2000. Et puis un an après, il dit non, ça vaut au moins $15000. Oui, donc il y a aussi cette idée de mettre du rien dans une boîte, de l'envoyer dans le New Jersey reposer quelque temps, oui, et que ça allait devenir quelque chose de commercialisable. Oui, mais si vous voulez, je pense que on prête à Warhol à partir de ce qu'il dit des intentions. Hein. Alors qu'au fond, il me semble que assez souvent, ces propos ne font que renvoyer à la société l'image qu'elle s'est faite d'elle-même. Effectivement, enfin, ce caractère de spéculation, enfin, cette logique de spéculation, c'est quelque chose qui dans ses propos, enfin, ou dans ses idées, comme vous, qui produit un effet, je pense, de miroir plutôt qu'autre chose. Oui, mais qui n'est pas compris justement comme étant un effet de miroir. C'est toujours la question, est-ce que Warhol, après, on en parlait en première partie, est-ce que c'est du lard ou du cochon, entre guillemets, de quel côté se situe Warhol par rapport justement à cette idée de la spéculation. Mais enfin, c'est aussi une question que lui pose. Oui, c'est une question qu'il pose et à laquelle chacun répond comme il veut. Mais voilà, après, je pense que c'était simplement pour prêter aux propos de Warhol des sortes d'intentions, de préméditation. Alors, vous avez donc été le commissaire de l'exposition Warhol Unlimited. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des partis pris que vous aviez pris? C'était en 2015 et c'était au musée d'art moderne de la ville de Paris. Quelle était l'idée derrière cette exposition, Hervé Vanel? Alors, l'idée au départ, c'était en fait, l'exposition est partie de la venue d'un ensemble de 1979 qui s'appelle Les Shadows, qui est une œuvre monumentale de Warhol, de 102 peintures, qui devait donc au départ être simplement l'exposition. Voilà. Et il se trouve que, par une sorte de hasard qui fait bien et mal les choses, mais les shadows, les centres de peinture, ne tenaient pas physiquement dans l'espace qui lui avait été octroyé dans le musée. Et donc, par force, d'une certaine manière, par la force des shadows de pousser et de faire un peu exploser les murs du musée, l'exposition a dû s'étendre pour que les shadows elles-mêmes aient une place. Et en fait, donc la partie qui introduisait les shadows essayait un petit peu de revenir de ce point de vue-là sur la manière dont Warhol envisageait son œuvre en relation avec la manière dont elle était exposée. Finalement, moi, donc l'exposition est tout de suite pensée par Andy Warhol au moment où il crée? Pas nécessairement, non. Et parfois, c'est même pas lui qui, au départ, en tout cas, par exemple, les 32 boîtes de soupe, elles ont été exposées sur une sorte de linéaire par le galeriste à Los Angeles en 62, donc. Et ensuite, c'est Warhol. Donc, c'est pas Warhol qui a choisi là. Ensuite, pour la série des Elvis, il avait envoyé un rouleau. Et en fait, c'est aussi le galeriste qui l'a découpé. Mais si vous voulez, évidemment, là, par exemple, ces deux exemples-là, hein, pour être précis, historiquement, c'est donc pas Warhol qui a décidé de la manière dont ça allait être exposé. Mais en fait, son œuvre elle-même forçait à prendre une décision qui était une décision qui n'était pas forcément un mode d'exposition très orthodoxe. Quoi. Et ensuite, alors, bon, par exemple, il y a une exposition en 75 qui s'appelait The Personality of the Artist, et qui était en fait l'exposition avec les boîtes de Brio, les boîtes de soupe de sauce tomate, etc. Oui, mais qu'est-ce que ça dit de son rapport au musée? C'est quelqu'un qui aimait pas tellement les musées, je crois. Alors, qui aimait pas tellement les musées, oui, qui aimait pas la manière dont les musées, un peu comme l'histoire de l'art, enfin, sont des instances de classification. Et en même temps, quand on lui donnait des cartes blanches, comme c'est arrivé quelquefois, je crois qu'il mettait tout sans dessus dessous, que c'était extrêmement compliqué. C'est ça, mais enfin, c'est le musée comme instance de pouvoir, enfin, contre laquelle Warhol se confronte, hein, oui. Ou la galerie, si vous voulez, mais bon, les deux sont liés. Enfin, je me souviens de cette manière dont Robert Smithson, qui était un artiste du Land Art dans les années 60-70, parlait des musées comme des asiles ou des prisons dans lesquelles les œuvres d'art sont dans un état de convalescence en attendant que des critiques les déclarent mortes ou vivantes. Oui, effectivement, Warhol a un rapport, conflictuel à la galerie, au musée, comme instance de pouvoir. Pour revenir à cette exposition en 64 des boîtes, enfin, c'est une exposition qui joue sur l'accumulation, la saturation. Alors, c'est un problème aujourd'hui parce qu'on ne peut plus, on ne peut plus exposer Warhol de cette manière-là. Eh ben merci beaucoup Hervé Fanel pour cet éclairage. On attend la prochaine exposition au Warhol. On espère que ce sera bientôt en France. Je rappelle que vous êtes professeur à AUP, l'Université américaine de Paris, que vous avez été notamment co-commissaire donc de Warhol Unlimited en 2015 au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. La compagnie des œuvres, c'est Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cattaneo, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et aujourd'hui Valentin Bobinet. Lundi prochain, à l'occasion du Printemps des Poètes et après avoir fait Verlaine l'année dernière à la même époque, eh bien nous parlerons de son terrible ami Arthur Rimbaud. Et demain, vous retrouvez Manu Farine pour la compagnie des poètes. Tout de suite, c'est l'heure des sciences sur France Culture.